bonsoir et bienvenue chers auditeurs de la radio Essanganyo. Nous sommes le jeudi 27 août 2020. C'est le moment de suivre l'édition du soir du journal Parler en langue française dont voici l'essentiel. Plus de 400 en provenance du camp de Mahama au Rwanda viennent d'être accueillis à la frontière burundo-rwandaise de Gasenyi Nemba. Ils subiront le test de Covid-19 avant d'être conduits au camp de Songore en commune Kiremba de la province Ngozi. Vous aurez en direct notre consoeur Mireille Kanyang qui est sur place. Certaines croyances socioculturelles constituent l'un des freins à l'efficacité du programme de gratuité de soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Mais malgré cela, ce programme a permis une amélioration du système de santé au Burundi. La chronique Justice nous parlera des conséquences de l'exhumation des restes des personnes tuées au cours des tragédies qu'a connues le Burundi sur les familles des victimes. Voilà pour le sommaire. Ce journal vous est présenté par Armel Mutore. À la cabine technique, vous êtes avec Alphonse Koubguiman. L'insuffisance des moyens financiers, l'ignorance et certaines croyances socioculturelles de certains Burundais sont à l'origine de quelques défis qui persistent dans la mise en place du programme de la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Initié par le gouvernement, constat du représentant légal de la Population Media Center lors d'un atelier de présentation ce jeudi des réalisations du marché de communication et visibilité du financement basé sur la performance gratuité. Jean Bosco Ndayishimiye dit que même si ces défis ont été enregistrés, la gratuité des soins a amélioré le système de santé de la population. Suivez-le au micro d'Ezekiel Ndikumwena. Le gouvernement qui a initié a relevé beaucoup de tombées positives parce que ça a permis de mettre en priorité les plus vulnérables comme les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes dans les structures de soins. La réforme a permis d'infléchir la courbe de la mortalité infantile et maternelle qui était alarmante à ce stade-là. Notre stratégie de communication intégrée multimédia a permis quand même de contribuer à vulgariser davantage la réforme et à déceler quelques constats. C'était l'objet de l'atelier pour partager tout cela, envie d'échanger même sur les défis restants et les possibilités de pérennisation des acquis et la durabilité de la réforme au Burundi pour la bonne santé de toute la population burundaise. La population est désorientée. Il y en a qui le font par ignorance, parce que justement la vulgarisation n'a pas été totale. Il y en a qui, par manque d'informations, font encore recours aux charlatans. Il y en a qui sont encouragés par la persistance des normes négatives sociales, culturelles et religieuses. Il y a d'autres qui hésitent parce qu'ils ne sont pas trop confiants de la qualité des soins offerts par les structures de santé, ou bien qui ne font pas totalement confiance en la capacité des agents communautaires et qui peuvent hésiter. D'où il y a un déséquilibre de sollicitation vers les hôpitaux et les districts provinciaux, c'est plus fort comparativement des centres de santé. Mais tout ça, c'est discutable, ça dépend du degré de confiance, du degré de sensibilisation. Tout cela a été rapporté. Ça fait que certains, donc, ne boycottent pas, mais prennent la mauvaise direction. Mais notre rôle a été de sensibiliser sur les conséquences positives et négatives. Positives pour ceux qui font recours aux billets de soins, négatives pour ceux qui, effectivement, s'exposent au danger qu'encourent ceux qui vont dans des endroits qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas consignés dans les milieux recommandés comme les milieux de soins. Je vous le disais en titre, revenons sur le rapatriement. Plus de 490 Burundais rapatriés du camp de Mahama au Rwanda viennent d'arriver à la frontière burundo-rwandaise de Gasenyi Nemba. Eli Nibel Nibigira nous joint dans les studios. Mireille Kanyang est en ligne pour nous en parler. Oui, Armel Motor et Mireille Kanyang, l'envoyé spécial de la radio Isanganiro, se trouve pour le moment à la frontière du Burundi avec le Rwanda. Mireille Kanyang, est-ce que tu nous reçois 5 sur 5? Oui, Nibel, bonsoir. Je vous reçois 5 sur 5, effectivement. Comme oui. Vous le dites, on est encore à la frontière burundo-rwandaise. Quelle est l'ambiance qui règne sur cette frontière, justement, burundo-rwandaise? Oui, Nibel, l'ambiance, elle est joviale, je dirais. Il y a des Burundais qui viennent de rentrer. Comme vous l'avez dit, c'est 493 exactement. Eh bien, ils sont arrivés à 16h54. Et c'est là où nous avons pu apercevoir les premiers arrivés franchissant la zone neutre côté rwandais. Eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur qui a accueilli, a fait rapatrier Burundais, et il y a aussi le ministre de la Santé publique. Eh bien, dans leur discours, ils ont accueilli effectivement ces rapatriés Burundais qui leur a dit qu'un paquet retour leur est réservé. Il y a des vivres, il y aura également de l'argent. Avec cet argent, ils pourront se procurer des cartes d'assurance médicale et de se procurer d'autres produits nécessaires. Et bien, Libelle, dans le camp de Sangoré, pour le moment, ils sont en train d'embarquer dans les bus. Ils vont vers Sangoré. Le camp de Sangoré, c'est un camp de transit. Ils vont y passer 3 jours avant de regagner leur foyer, leur ménage, leur commune. Oui, justement, Mireille, tu viens de dire qu'il y a des discours qui ont été prononcés côté burundais. Est-ce qu'il y a des discours qui ont été peut-être prononcés côté rwandais? Côté rwandais, non, il n'y a pas eu grand discours, mais juste le manifeste qui a été remis au ministre burundais de l'Intérieur par un délégué du gouvernement rwandais. Mais franchement, on ne l'a pas eu, il n'a pas prononcé de grands discours, mais il y a eu un délégué qui a remis le manifeste des rapatriés au ministre burundais de l'Intérieur. Ils viennent de débarquer donc à la frontière burundo-rwandaise. Tu nous dis qu'ils vont être acheminés à Sangoré. Quelle est la suite? Oui. Après, donc, je vous dis, ils vont au camp de Sangoré, ils vont y passer 3 jours. Ils vont aussi subir des tests au Covid-19, même s'ils avaient subi ces tests côté rwandais. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a précisé que les tests au Covid-19 seront effectués côté burundais pour se rassurer effectivement s'ils sont négatifs ou positifs au Covid-19. Eh bien, après les 3 jours, ils vont regagner leur commune. Merci Mireille Kanyangé et espérons que tu vas nous donner plus de détails dans nos prochaines éditions. D'accord, merci Mibel. Nous remercions Mireille Kanyangé pour ce direct. Poursuivons ce journal dans la même rubrique. Les préparatifs pour accueillir les 493, comme vous venez de l'entendre, 493 rapatriés burundais en provenance du camp des réfugiés de Mahama au Rwanda vont bon train. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a réhabilité les hangars devant abriter ces Burundais. Un laboratoire mobile est déjà en place pour diagnostiquer des maladies. Ce centre d'accueil de Sangoré en commune Kiremba de la province Ngozi est alimenté en eau et électricité. La population environnante est sur place pour accueillir les frères burundais. Les détails avec Apollinaire Muzagar. Ce centre de transit de Sangoré a été réhabilité par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Des maisons construites en tôle, des bâches ont été tendues pour protéger ces rapatriés burundais contre des intempéries. Le programme alimentaire mondial, de commun accord avec les ONG, IRC et Caritas Burundi, leur prépare du repas chaud d'aujourd'hui et pour tous les jours qu'ils vont y passer, sans oublier le kit de 3 mois en attendant qu'ils récoltent leur champ. Selon les travailleurs de ces ONG rencontrés sur place, ce repas est composé de la farine de maïs, du haricot, du sel et de l'huile. Des maisons construites depuis 1986, des maisons construites depuis 1996 et agrandies au fur et à mesure, sont électrifiées à l'aide des plaques solaires et d'importantes citernes d'eau sont également mis sur pied dans ce centre de transit de Sangoré. Ils sont régulièrement alimentés par un camion citerne du HCR. D'après un du personnel rencontre, les habitants des collines et environnantes sont venus pour accueillir leurs frères rapatriés. Les habitants des collines environnantes sont venus pour accueillir leurs frères rapatriés, promettant une bonne cohabitation durant les 4 jours de séjour dans ce centre d'une capacité d'accueil de 1000 personnes. De Sangoré en commune Kiremba de la province Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganyiro. Nous nous excusons pour ces erreurs de nettoyage. Poursuivons dans la même rubrique. Certains des Burundais qui se sont déplacés pour accueillir les membres de leur famille se réjouissent de cette activité de rapatriement. Ils appellent d'autres Burundais à se faire enregistrer pour rentrer. Suivez-les. Nous sommes venus pour accueillir nos proches qui sont partis en 2015. La sécurité est bonne, tous devraient rentrer. Nous avons bien protégé leurs biens et nous allons partager ce que nous avons sans problème. Nous sommes trop heureux de leur rapatriement. C'est pourquoi nous sommes ici pour les accueillir. Ils menaient une vie pénible car on ne peut pas vivre dans de bonnes conditions dans le camp. On se parlait souvent et ils nous relataient les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivaient. Ils avaient un souhait ardent de rentrer. Leurs biens, soit des champs et des maisons, ont été bien gardés. Nous invitons tous ceux qui restent de rentrer. Ils attendent uniquement les convois, mais sinon, ils souhaitent rentrer dans l'immédiat. Je suis venue accueillir mes enfants qui ont fui le pays. Ils sont au nombre de 7 ou 8, car il y a aussi ma belle-fille. Ils avaient fui le pays quand d'autres fuyaient la crise. J'étais restée seule à la maison. Je suis trop ravie de voir encore mes enfants. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 18h passées de 13 minutes, poursuivons ce journal en page santé. Certains docteurs prestant dans la province de Gitega demandent aux pharmaciens de respecter ce qui est écrit sur l'ordonnance médicale en donnant le médicament y prescrit. C'était ce mercredi lors d'une réunion du médecin provincial avec les pharmaciens et les responsables des centres de santé et cliniques privées de la province Gitega. Le médecin provincial appelle les pharmaciens à ne pas mettre en avant les spéculations, mais de se soucier de la santé humaine. Quant au chef de district sanitaire de Gitega, il a mis en garde certains pharmaciens qui pratiquent la médecine dans leur pharmacie. Les détails de ce reportage avec Kavaouch. Un des médecins qui était présent à cette réunion indique que pour prescrire un médicament sur l'ordonnance, ils doivent d'abord avoir consulté le patient et trier pour savoir le médicament à donner. Mais quand le patient arrive à la pharmacie, quand ils n'ont pas le médicament prescrit, ils lui proposent un autre médicament équivalent, alors qu'à ce moment, le docteur avait trouvé qu'il y a un médicament qui ne peut pas lui prescrire car il peut provoquer des effets secondaires, ce qui se répercute sur le médecin qui avait prescrit l'ordonnance. Cette situation leur fatigue, dit-il. Il demande aux pharmaciens de dire à leurs travailleurs que si quelqu'un arrive avec une ordonnance médicale, de respecter ce qui y est prescrit. Docteur Toyi Salvatore, médecin provincial de Gitega, dit que cela existe tout en indiquant que cela est dû au fait qu'un pharmacien peut se dire qu'il a eu peu de clients, il ne peut pas risquer de perdre celui qui vient et lui donne l'équivalent tout en voulant vendre un médicament dont la date d'expiration est proche. Il leur fait un clin d'œil de ne pas mettre en avant les spéculations et de prendre en considération la santé humaine car c'est leur acte d'engagement. Docteur Nzigirabaya Erasme, chef du district sanitaire de Gitega, a mis en garde certains pharmaciens qui pratiquent la médecine dans leur pharmacie que celui qui sera attrapé sera mis en prison. Une nouvelle base de données des pharmaciens de la province Gitega sera bientôt constituée et ceux qui ont des dispensaires et cliniques privées sont appelés à ne plus faire la publicité sur les radios. Arthur Kavaouchi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavaouchi. En page sécurité, la police burundaise a présenté un acteur des atrocités qui ont emporté la vie de 3 enfants de la colline Gahahe de la zone Rubirizi en date du 13 de ce mois. Moïse Ngurunziza, porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité, indique que cela est issu des investigations qui ont été menées auprès des familles des victimes et des alentours. On l'écoute. Une grenade qui était piégé devant un salon de coiffure d'un certain Sengyon Vaja, alias Mwarabu, a explosé. 3 enfants y ont laissé leur vie et 8 autres blessés. Des suspects ont été arrêtés pour objet d'enquête. Il s'agit donc d'un chemin à Léo, alias tantôt Gapussi, tantôt Désiré, et d'un certain Nzohabonayo Daniel, alias Soku. Et au terme des enquêtes, il a été prouvé qu'un chemin à Léo, alias Gapocho ou Désiré est l'auteur indéniable de cette criminalité sano. D'une part, Nishima Naleo avait à maintes reprises proféré des menaces à l'endroit du propriétaire de son salon et avait gilé de lui faire du mal jamais vu. Et même la veille de son malheur, il a répété les mêmes mots aux yeux et aux vies de l'entourage. Et d'autre part, son antécédent judiciaire a montré qu'il est professionnel dans ce genre de criminalité. Selon les informations recueillies par la police, complétées par une plainte d'une maman, mère d'un enfant qui a été assassiné en 2013 par le même criminel, Nyeshimana Léo, alias Kapusi ou Désiré, a assassiné l'enfant de 12 ans, surnommé Tuyiseng Eric, qui est son cousin direct. En page société, l'entrée des communautaires dans les moments de joie ou de peine, telle est la prise en charge des funérailles, fait partie des activités des habitants du quartier Mukoni regroupés en association dénommée Mukoni Family. Cette organisation à base communautaire appuie aussi les vulnérables du quartier, signe de cohésion sociale d'après les administratifs à la base, pour qui de telles initiatives devraient servir de modèle à tous les quartiers ou collines du pays. Les détails avec Dieudonné Nzeyimana. Une résidente du quartier Mukoni en ville de Muyinga évoque le WhatsApp, système de communication en groupe des habitants de Mukoni. Alida Arakaza ici fait mention de l'inclusion de l'organisation du quartier du Mukoni Family qui a récemment supporté tous les coups de funérailles dans un vulnérable du quartier. D'après Alida, plus de soucis pour ceux qui ont des familles loin de Mukoni. Adronis Avialimana, président de Mukoni Family, précise les motivations de la création d'une association du quartier. Il indique que quand il y avait des cas de décès ou d'hospitalisation, on avait du mal à collecter l'assistance spontanée ménage par ménage. Aujourd'hui, chaque famille contribue chaque mois pour se préparer aux interventions pour lesquelles des jeunes sont associés. En cas de décès, les jeunes se chargent de la tombe. Martin Choitung, chef de colline Mukoni, parle d'initiatives qui devraient servir de modèle à d'autres localités. Quelques quartiers de Muyinga copient petit à petit le modèle. C'est une obligation morale. Même les moins nantis sont enterrés avec dignité. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique justice. Les gens qui ont été touchés par les travaux d'exhumation des restes des personnes tuées au cours des tragédies qu'a connu le Burundi dans le passé peuvent développer des cauchemars, surtout en cas d'éléments déclencheurs. Explication d'Alexis Nivigira, psychosociologue, qui avait montré dans la précédente chronique Justice transitionnelle les groupes les plus affectés par ces travaux. Pendant les exhumations, il faut qu'il y ait la présence des experts qui assistent les personnes touchées, comme le souligne l'expert Nivigira. Chronique Justice transitionnelle avec Eline Bell Nivigira. Les conséquences psychologiques des exhumations des restes des personnes tuées dans le passé se trouvent à l'intérieur de chaque personne. En cas d'éléments déclencheurs, il s'observe des cauchemars et les gens s'attendent à tout moment d'une scène macabre. Il y en a qui peuvent avoir la vivance de l'événement. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des cauchemars. Les gens qui peuvent être affectés par les stimulus, des objets, des personnes, des endroits qui rappellent les événements dramatiques. Il y en a alors qui peuvent être facilement irritables en revenant sur ces images. Il y en a aussi qui peuvent avoir des sentiments d'évitement, qui ne veulent pas parler de ces événements, qui ne veulent pas passer à des endroits où on a entré les leurs, qui ne peuvent pas passer aux endroits où ils ont été violentés. Il y en a aussi qui sont toujours hyper vigilants. Au cours des travaux d'exhumation des restes des personnes tuées pendant la tragédie du passé, il est recommandé qu'il y ait d'experts qui assistent les personnes touchées. L'expert Alexis Nibigira dit toutefois qu'il doit y avoir des séances de sensibilisation à l'endroit de la population afin de la prévenir. La population doit faire face à l'histoire pour la prévention d'autres cycles de violence. La population doit être consciente que le passé doit être traité, non pas oublié, parce que le silence forcé peut nous amener d'autres conséquences. C'est bon que l'histoire puisse être connue au grand jour, qu'on connaisse l'histoire, comment ça s'est passé, qu'on connaisse les tenants et les aboutissants, justement dans le cadre de la réconciliation. Mais comment assiste-t-on les personnes affectées par les exhumations des gens tués dans le passé? Alexis Nibigira, l'expert en psychologie et sociologie, laisse entendre qu'on doit accorder du temps à une personne touchée pour manifester sa tristesse, pleurer, en présence des experts. Les gens ont besoin d'un soutien psychosocial qui peut être offert par les psychologues ou les assistants qui vivent dans les communautés. Ces gens-là trouvent un endroit confidentiel, un endroit sûr où ils peuvent parler de leur passé. Et ces gens-là leur apportent un soutien émotionnel par les différentes techniques du counseling individuel ou groupal. On peut aussi faire une thérapie de groupe qu'on appelle guérison de mémoire pour justement exprimer leurs émotions dans les bonnes mains des psychothérapeutes qui sont expérimentés en cette matière. Autre facteur qui pourrait contribuer afin de soulager les personnes touchées par les travaux d'exhumation des gens assassinés pendant la période tragique du passé, c'est la reconnaissance de ces tueries par le gouvernement, suivie des réparations, dont l'érection du monument de mémoire des victimes, conclut l'expert Alexis Nibigira. Bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Alphonse Koubguiman était à la mise en onde. Armel Moutori était à sa présentation. Je vous retrouve à 22h pour la dernière édition de ce mercredi. Bonne soirée chez vous.